C'est pas ma mère, non, c'est pas mon père qui est là. C'est mon demi-frère et ma demi-sœur qui sont là. Moi j'ai ma mère et toi ton père, c'est comme ça. La vie t'échange, la vie c'est range et puis pas. I'm not afraid.